mieux voir. Certaines personnes portent des lunettes. Les lunettes les aident à mieux voir. Regarde toutes ces lunettes. Il y a des fourmis dans l'herbe. Tu ne peux pas bien voir les fourmis. Elles sont trop petites. Mais avec ceci, tu les vois mieux. Cet homme regarde dans l'arbre. Il peut voir le singe en haut de l'arbre. Il le regarde avec des jumelles. Cet homme regarde les étoiles. Les étoiles sont très loin, mais il peut les voir. L'homme peut aussi voir la lune. Il peut même voir les cratères. Voici un sous-marin. Il peut aller sous l'eau. Les gens dans le sous-marin peuvent voir les bateaux sur l'eau. Regarde tous ces instruments. Ils aident nos yeux à mieux voir.